petite femme aimée, au cœur tendre et fidèle. Nous venons tous les deux de fêter tendrement et notre anniversaire joyeux qui nous rappelle notre union bien heureuse il y a bien longtemps. Car ce fut le début d'une belle aventure où la mer dans la mer face à notre destin. Nous avons parcouru sans écueil, sans rupture, notre marche à l'avant, tout le long du chemin. La venue des enfants fut notre bien suprême, enrichissant nos vies d'inoubliables instants. Chacun donnant de soi le meilleur de lui-même, pour fonder un foyer harmonieusement. Des grandes qualités de maman et de femme ont su toujours garder le bateau familial sur des eaux rassurantes, tout seul sans flamme, le désir permanent et bonheur conjugal. Parvenu à l'automne d'une existence heureuse, un peu de nostalgie sur nos chers souvenirs. Nos mains s'étreignent fort à ces œuvres songeuses, et nos deux cœurs se joignent dans un même soupir.